s'écrit dans les étoiles de givre. Chaque phrase brûle. Chaque cri dérive. Ton souffle pèse comme comète figée. Chaque mot tranche, chaque phrase glacée. Près de ce qu'il charme, ses murmures liés. La foule s'efface, happée par la nuit. Ton nom s'imprime. Chaque syllabe nourrit mes chaînes. Le froid m'enlève, mes poumons s'éteignent. Chaque mot tombe, chaque souffle saigne. Près de ce qu'il règne, sa voix m'attache. La foule succombe, happée sans relâche. Ton nom. Chaque mot m'attache, chaque souffle décide.